Bismillah, la louange est à Allah, nous le louons, implorons son aide et lui demandons pardon. Et nous nous protégeons auprès de lui du vice de nos personnes et de nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, point d'égarement pour lui, et celui qui l'égare, point de guidé pour lui. Et je témoigne qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah. Et je témoigne que Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, est son esclave et messager. La meilleure des paroles est la parole d'Allah, et la meilleure voix est la voix de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Et les pires des choses sont celles nouvellement inventées, et toute chose nouvellement inventée est une innovation, et toute innovation est un égarement, et tout égarement est un enfer. Ce soir, Inch'Allah, nous allons parler d'un sujet très important, à savoir l'ignorance n'est pas une excuse dans l'annulation du tawhid. L'ignorance n'est pas une excuse dans l'annulation du tawhid. Allah a dit, et si l'un des polythéistes demande asile, accorde-le-lui afin qu'il entende la parole d'Allah, puis fais-le parvenir à son lieu de sécurité, car ce sont des gens qui ne savent pas. Sourate 9, verset 6. Donc on voit dans le verset que le nom de mushrik, polythéiste, idolâtre, il est établi avant même que la personne ait entendu la parole d'Allah, malgré le fait qu'ils soient des gens qui ne savent pas, comme a dit Allah. Allah, il a dit aussi, les infidèles parmi les gens du livre, ainsi que les polythéistes, ne cesseront pas de mécroire jusqu'à ce que leur vienne la preuve évidente. Allah a dit, et ils ont désigné des associés à Allah, les djinns, alors que c'est lui qui les a créés, et ils y ont inventé dans leur ignorance des fils et des filles, gloire à lui, ils tronçonnent de tout ce qu'il lui attribue. Allah il a dit aussi, ils guident une partie, tandis qu'une autre partie a mérité l'égarement parce qu'ils ont pris au lieu d'Allah les diables pour alliés, et ils pensent qu'ils sont bien guidés. Ils ont pris au lieu d'Allah les diables pour alliés et ils pensent qu'ils sont bien guidés. Allah il a dit, certes Allah ne pardonne pas qu'on lui donne un associé, à part cela il pardonne à qui il veut, mais quiconque donne à Allah un associé commet un énorme péché. Allah a dit aussi, certes Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés, à part cela il pardonne à qui il veut. Allah a dit, quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis, et son refuge sera le feu. Et pour les injustes, pas de secoureur. Donc, ces versets qui sont clairs, et dans les versets d'Allah qui sont clairs, nous voyons notamment le jugement général pour quiconque donne un associé à Allah. Allah nous informe qu'il ne pardonne pas ce péché qui est le shirk et que son auteur ira au feu. Maintenant, pour sortir de ce jugement général en cas particulier, comme c'est le cas des ignorants ou bien des gens qui s'affilient à l'islam, il est indispensable d'apporter une preuve valide. Et quand je dis une preuve valide, je parle du Coran, de la Sunna et de l'unanimité des savants. Lorsqu'on observe bien le livre d'Allah et la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette preuve, elle est introuvable. Et vous allez voir que tous les textes s'accordent pour dire que quiconque, et je dis bien quiconque, donne un associé à Allah, ignorant ou savant, il est un mushrik qui ira en enfer. Allah a dit, c'est à Allah qu'appartient la religion pure, tandis que ceux qui prennent des protecteurs en dehors de lui disent, nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. En vérité, Allah jugera parmi eux sur ce en quoi ils divergent. Allah ne guide pas celui qui est menteur et grand ingrat. Sourate 39, verset 3. Donc ce verset, c'est une preuve que celui qui croit en Allah, tout en lui donnant un associé, il n'est pas un musulman. malgré le fait que son intention était de se rapprocher d'Allah. Donc je répète, ce verset est une preuve que celui qui croit en Allah, tout en lui donnant un égal, il n'est pas un musulman malgré sa belle intention qui était de se rapprocher d'Allah. Allah a dit, et la plupart d'entre eux ne croyons Allah qu'en lui donnant des associés. Allah a dit aussi, si tu donnes des associés à Allah, ton œuvre sera certes vaine, et tu seras très certainement du nombre des perdants. Ce verset, il s'adresse au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et on voit que même le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il n'échappe pas au jugement général, qui est que celui qui commet le shirk, il devient un mushrik. Alors si le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'échappe pas à ce jugement général, comment est-ce que quelqu'un d'autre ou bien une autre personne qui s'affilie à l'islam pourrait échapper à ce jugement général? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque rencontre Allah sans rien lui associer, entrera au paradis et ses péchés ne lui nuiront en rien. De même, celui qui le rencontre en lui associant entrera en enfer et ses bonnes actions ne lui profiteront en rien. Hadith rapporté par l'imam Ahmed. Les versets qui parlent de la mécréance, et ça c'est une règle qui est très importante et qui est établie à l'unanimité des savants que nous allons citer plus tard. Les versets qui parlent de la mécréance, ils sont généraux. Ils concernent tous ceux qui commettent les actes de la mécréance ou prononcent les paroles de la mécréance. Et pour sortir de cette généralité en cas particulier, comme par exemple quelqu'un qui se dit musulman ou quelqu'un qui est ignorant, il faut là aussi une preuve du Coran, de la Sunna ou bien de l'unanimité des savants. Parce que c'est celui qui sort le cas particulier de la généralité qui doit apporter la preuve, et non celui qui prend les versets généraux. Mohamed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, il a dit dans Adura Rasaniya, volume 10, page 58 à 59, si un hypocrite essaye d'argumenter comme quoi le verset concerne que les mécréants, dites-lui, est-ce qu'il existe un seul savant musulman qui a dit que ce verset ne concerne pas ceux parmi les musulmans qui commettent les mêmes actes? Qui a dit ça avant toi? Dites-lui aussi, ceci est le rejet du consensus de la Umma, car le consensus dit que ce verset concerne aussi bien les mécréants que ceux qui se disent musulmans. Je répète, le consensus dit que ces versets concernent aussi bien les mécréants que ceux qui se disent musulmans. Dans un hadith rapporté par Abu Hurayra, radiallahu anhu, que l'on trouve dans le Musnad de l'imam Ahmed, rahimahullah, il est dit, donc Abu Hurayra, il dit, j'ai entendu l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, raconter ceci. Deux hommes parmi les fils d'Israël étaient frères. L'un d'eux commettait des péchés, tandis que l'autre s'adonnait à l'adoration. Ce dernier, s'apercevant que son frère persistait dans les péchés, lui dit, « Cesse !» L'autre répondit, « Laisse-moi et laisse mon Seigneur. T'a-t-on envoyé pour me surveiller ?» Le premier répliqua, « Je jure par Allah qu'il ne te pardonnera point et tu n'entreras pas au paradis. » Après leur mort, ils se sont réunis devant le Seigneur des mondes. Allah dit à l'homme vertueux, « Savais-tu d'avance ma décision ?» Puis Allah dit au coupable, « Entre au paradis par ma miséricorde, et à l'autre, entre en enfer. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ajouté, « Par celui qui tient l'âme d'Abul Qasim dans sa main, cet homme a proféré une parole qui a anéanté sa vie dans le bas monde et dans l'au-delà. » Cet homme a proféré une parole qui a anéanti sa vie dans le bas monde et dans l'au-delà. Maintenant, écoutez l'unanimité dans le sujet qui nous intéresse. Après ce verset et ce hadith, écoutez le consensus qui a été rapporté par le savant, le juriste, le mufti du Nejd, Abu Boutein, rahimahullah, dans Adura Rassaniya, volume 12, page 69 à 74, il ressort notamment ceci. Si celui qui commet le shirk akbar est excusé par l'ignorance, alors qui est celui qui n'a pas d'excuse? De cette affirmation ressort qu'Allah n'a d'argument que contre l'orgueilleux. Celui qui affirme cette théorie sera incapable de s'y tenir. Au contraire, il doit tomber dans la contradiction. Car il ne peut pas ne pas appliquer le takfir sur celui qui doute de la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou doute de la résurrection ou d'autres sujets qui font partie du fondement de l'islam. Celui qui doute est en réalité un ignorant. Et écoutez bien qu'est-ce qu'il dit maintenant. Écoutez bien. Il dit, les savants de toutes les écoles ont cité beaucoup de choses. Parmi les paroles, les actes ou les convictions qui font sortir son auteur de l'islam, et ils n'ont pas limité cela à l'orgueilleux. C'est pour cela que celui qui affirme qu'une personne qui commet la mécréance est excusée dans la mauvaise interprétation des textes, l'ijtihad, le suivi aveugle ou l'ignorance, s'oppose au livre, à la sunna et au consensus sans aucun doute. Abu Boutein rahimahullah, il dit aussi dans Fatawa Najdiya, en parlant de l'avis d'Ibn Taymiyyah rahimahullah dans ce sujet, il dit, Ibn Taymiyyah applique clairement le takfir sur celui qui commet le shirk et rapporte l'unanimité des musulmans concernant le sujet, sans y excuser un ignorant ou ceux qui lui ressemblent. Abu Boutein rahimahullah, toujours lui, dans Minhaj At-Tahsis, page 12, il dit « Tellement de groupes se sont égarés à cause des lacunes dans la science, tellement d'erreurs sont apparues à cause de cela, comme par exemple la règle qui dit « L'islam et le shirk sont deux choses, l'une à l'opposé de l'autre, elles ne peuvent pas coexister ni disparaître, de sorte à ce qu'aucune ne reste. » L'islam et le shirk sont deux choses, l'une à l'opposé de l'autre. Elles ne peuvent pas coexister ni disparaître, de sorte à ce qu'aucune ne reste. Et l'ignorance de l'islam ou du shirk, ou seulement d'un des deux, a fait entrer beaucoup de gens dans le shirk et l'adoration de saints, et tout ceci à cause de l'ignorance. Abu Boutein, rahimahullah, il a aussi dit dans Adura Rassaniya, volume 12, page 69 à 73, il dit, Cheikh Abu Mohammed ibn Qudama, rahimahullah, a traité le sujet de l'ijtihad et a dit, Jahiz affirmait que celui qui s'oppose au fondement de l'islam est excusé et n'est même pas dans le péché s'il est un mujtahid et n'a pas été capable d'arriver à la vérité. L'avis de Jahiz est sans aucun doute faux, et mécréants sont Allah. Donc, Abu Boutein ici, il nous rapporte une parole d'Ibn Qudama rahimahullah, dans laquelle il dit que celui, notamment celui qui affirme que la personne qui va s'opposer au fondement de l'islam, au tawhid, s'il est un mujtahid, il n'est pas dans le péché et il est excusé. Il dit que celui qui affirme cela, eh bien, cette affirmation est une mécréance. D'accord? Cette affirmation est une mécréance. Parce que l'unanimité que le cheikh il a rapporté avant, il a dit que celui qui tombe dans le shirk akbar, il n'a pas d'excuse, que ce soit dans la mauvaise interprétation des textes, l'ijtihad, le suivi aveugle, ou bien l'ignorance. Ibn Hajar, rahimahullah, il a dit, Il y a des musulmans qui sortent de la religion sans en avoir l'intention et sans choisir une autre religion que l'islam. Écoutez bien de nouveau cette parole. Il y a des musulmans qui sortent de la religion sans en avoir l'intention et sans choisir une autre religion que l'islam. Et il a aussi dit dans Fathul Bari, volume 12, page 267 à 269, j'ai dit, et parmi les gens, et parmi ceux qui se sont penchés sur ce hadith, il y a At-Tabari. Il a dit, après avoir cité les ahadiths du chapitre, ceci est une réponse à celui qui dit que nul parmi les gens de la Qibla ne sort de l'islam qu'après avoir eu l'intention d'y sortir. La preuve contre cela se trouve dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent la vérité, ils lisent le Coran et ils sortent de l'islam. Ils disent la vérité, ils lisent le Coran et ils sortent de l'islam. L'imam Tabari, rahimahullah, il a dit aussi dans le tafsir du verset, ceux dont l'effort dans la vie présente s'est égaré, alors qu'ils s'imaginent faire le bien. Ceux dont l'effort dans la vie présente s'est égaré, alors qu'ils s'imaginent faire le bien. Écoutez ce qu'il dit à Tabari qui était parmi les salafs. Il dit, ceci est la preuve des preuves de l'erreur de celui qui dit qu'on ne peut pas être mécréant à moins d'avoir l'intention de l'être. Allah nous a informés concernant ce qu'il a cité dans le verset en nous disant que leurs efforts dans la vie présente ne sont que pertes alors qu'ils s'imaginent faire le bien. Mohamed ibn Abdul Wahhab rahimahullah a dit dans Adura Rasaniya volume 2 page 77, lorsque tu sauras que ceci est le monothéisme qui est d'un caractère plus obligatoire que la prière et le jeûne et qu'Allah pardonnera à celui qui l'aura réalisé le jour dernier et qu'il ne pardonnera pas à quiconque l'aura ignoré, même s'il s'agit de quelqu'un qui prétend appartenir à l'islam. Et lorsque tu sauras que ceci est le shirk, qui ne sera pas pardonné par Allah, et qui est auprès d'Allah plus grave que la fornication et le meurtre, ceci même si celui qui le commet souhaite par cet acte se rapprocher d'Allah. Ceci même si celui qui le commet souhaite par cet acte se rapprocher d'Allah. Mohamed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, il a dit dans Fatawa Najdiya, si à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et des gouverneurs qui l'ont succédé, il y avait des gens qui s'attribuaient à l'islam et en sont sortis malgré leurs grands actes d'adoration jusqu'à ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ait ordonné de les combattre, alors on doit savoir que celui qui s'attribue à l'islam et à la sunna à notre époque peut lui aussi sortir de l'islam. Fatawa Najdiya. Allah a dit au sujet de Hud, écoutez ce verset, Allah il a dit, adorez Allah, vous n'avez de divinité que lui, vous n'êtes que des diffamateurs. Et Ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit dans Majmu al-Fatawa, volume 20, page 38, Allah les déclara diffamateurs alors qu'il ne leur avait pas encore ordonné de loi à laquelle s'opposer. Mais il les déclara diffamateurs car ils ont mis en place d'autres divinités qu'Allah. De ce fait, le nom d'idolâtre, le nom de mushrik est affirmé même lorsque aucun message n'est encore parvenu, car il donne des associés à son Seigneur et s'en détourne, et il croit en d'autres divinités qu'il met en concurrence avec Allah, bien qu'aucun prophète ne lui soit parvenu. Mais ces noms lui sont affirmés, tout comme les noms paganisme et païen. On dit d'une personne qu'elle est païenne, même si aucun messager ne lui est parvenu. Et Ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit dans Majmu al-Fatawa, volume 14, page 282, il dit, c'est pour cela que quiconque n'adore pas uniquement Allah, c'est qu'il adore forcément un autre que lui. Il est donc polythéiste. il n'y a pas trois catégories d'êtres humains, soit il est monothéiste, soit il est polythéiste. Ibn al-Qayyim rahimahullah, il a dit dans Tariq al-Hijratayn, l'islam est le tawhid, l'adoration d'Allah seul, sans lui donner d'associés. Croire en Allah, en son prophète et le suivre sur tout ce qu'il apporte. Tous ceux qui n'ont pas accompli cela ne sont pas musulmans. Si cette mécréance n'est pas due au fait que ces gens-là soient têtus, alors cette mécréance est due à leur ignorance. Et Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit aussi dans la même source, Tariq al-Hijratayn, la 17e catégorie, il dit « Les ignorants mécréants, leurs suiveurs et leurs ânes qui sont avec eux, qui les suivent et disent « Nous avons trouvé nos parents sur ce modèle et nous les imitons », la communauté est entièrement d'accord pour dire que cette catégorie de gens sont mécréants, même s'ils sont ignorants et suivent aveuglément leur chef et leur imam. La communauté est entièrement d'accord pour dire que cette catégorie de gens sont mécréants, même s'ils sont ignorants et suivent aveuglément leur chef et leur imam. L'imam al-Bukhari, rahimahullah, il a rapporté dans son sahih d'après Ibn Abbas, radiallahu anhu, en ce qui concerne la parole, n'abandonnez, et ils ont dit, n'abandonnez jamais vos divinités. Sourate 71, verset 23. Donc il dit, les divinités du temps de Nuh, alayhi salam, se sont retrouvées chez les Arabes. Ce sont les noms des gens pieux du peuple de Nuh, alayhi salam. Après leur mort, le diable leur a enjolivé l'idée d'instaurer des statues auxquelles ils ont donné les noms de ces gens pieux. Après la disparition de la science, ces monuments ont été adorés. D'accord ? C'est après la disparition de la science que ces monuments ont été adorés. Et en réalité, une personne, elle peut tomber dans la mécréance sur base d'une ambiguïté. Et ceci est confirmé par Ibn Qudama, rahimahullah, dans Al-Kafi, volume 4, page 158, dans le chapitre de l'apostat, le chapitre sur le jugement de l'apostat. Et les savants qui ont traité le chapitre de l'apostat, vous trouverez que celui qui tombe dans l'apostasie, ils n'ont jamais dit que s'il est ignorant, ceci est un empêchement à l'apostasie. Et Ibn Qudama, il dit justement, l'apostasie en général est le fruit d'une ambiguïté. L'apostasie en général est le fruit d'une ambiguïté. Je demande à Allah de nous préserver de l'ambiguïté qui mène à l'apostasie. Amin. Allah, il a dit dans un verset de la sourate 7, verset 172 à 174, « Et quand ton Seigneur tira une descendance des reins des fils d'Adam, et il les fit témoigner sur eux-mêmes, « Ne suis-je pas votre Seigneur ?» Ils répondirent, « Mais si, nous en témoignons. » Afin que vous ne disiez point au jour de la résurrection, « Vraiment, nous n'y avons pas fait attention. » Ou que vous auriez dit tout simplement, « Nos ancêtres autrefois donnaient des égaux à Allah, et nous sommes leurs descendants après eux. Vas-tu nous détruire pour ce qu'ont fait les imposteurs ? Et c'est ainsi que nous expliquons intelligemment les signes, peut-être reviendront-ils. » Donc on voit que les hommes, les êtres humains, ils ont fait un pacte avec le Seigneur de l'univers, et ce pacte, il consiste à adorer Allah sans lui donner d'égal. Adorer Allah sans lui donner d'égal. Et dans la religion d'Allah, comme il est établi dans un verset qu'on va citer, les gens ils sont divisés en deux parties. Il y a soit les croyants ou bien les mécréants. Il n'y a pas la troisième catégorie des gens. Allah il a dit, c'est lui qui vous a créé, parmi vous il y a des mécréants et des croyants. Des mécréants et des croyants. Il n'y a pas d'intermédiaire. Allah, il a dit aussi, Et quiconque désire une autre religion, et quiconque désire une religion autre que l'islam, elle ne sera point agréée, et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Et écoutez ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a été rapporté par l'imam muslim. Il a dit, on demande à une personne de l'enfer le jour du jugement dernier, est-ce que si tu possédais tout ce qui est sur la terre, tu l'échangerais pour être sauvé? Il répondra oui. Puis Allah lui dira, je voulais de toi moins que ça. J'ai pris sur toi un pacte lorsque tu étais dans les reins d'Adam, pour que tu ne me donnes aucun associé, mais tu as refusé et tu as commis le shirk. Et maintenant, en ce qui concerne le verset du pacte, on va citer le tafsir de certains savants les plus connus comme Shawkani, Al-Qurtubi, At-Tabari et Ibn Kathir. Écoutez, on va commencer par Shawkani. Qu'est-ce qu'il a dit? L'imam Shawkani, Rahimahullah, a dit, nous avons fait ceci afin que vous ne cherchiez pas des excuses ou afin que vous n'attribuiez pas le shirk à vos pères en dehors de vous-même. Donc Shawkani, il dit, Allah explique la sagesse de la révélation de ces versets. En effet, il a demandé à la descendance d'Adam, alayhi salam, de témoigner contre eux-mêmes, afin qu'ils ne disent pas des choses de ce genre le jour du jugement dernier, ou encore qu'ils ne cherchent pas des excuses invalides. Qu'ils ne cherchent pas des excuses invalides. Al-Qurtubi, il a dit, Ibn Abbas et Ubay ibn Ka'b disent que les descendants d'Adam ont témoigné qu'Allah est leur Seigneur et qu'il n'y a pas d'excuse pour celui qui suit aveuglément les autres quand il s'agit du tawhid. At-Tabari, il a dit, Rahimahullah, Allah dit qu'il est témoin contre les descendants d'Adam afin qu'ils ne disent pas le jour du jugement dernier, nous ne savions pas, ou qu'ils ne disent pas, nos pères pratiquaient le shirk et nous sommes leurs descendants. Étant ignorants, nous avons suivi leur chemin. Étant ignorants, nous avons suivi leur chemin. Et pour terminer, Ibn Kathir, donc pour terminer avec le tafsir des plus grands savants, Ibn Kathir, il a dit, Allah annonce qu'il a fait témoigner les descendants d'Adam contre eux-mêmes qu'il est leur Seigneur et qu'il n'y a pas de divinité en dehors de lui, et que ceci fait partie de la disposition naturelle, c'est-à-dire la fitra. Et plus loin, Ibn Kathir, rahimahullah, il dit que ce pacte est une preuve contre les gens s'ils viennent à commettre le shirk. Ce pacte est une des preuves contre les gens s'ils viennent à commettre le shirk. Et maintenant, écoutez ce qu'a dit Ibn al-Qayyim rahimahullah. Il a dit, beaucoup de versets semblables sont une preuve contre les descendants d'Adam, car leur fitra sur laquelle ils ont été créés confirme leur Seigneur et leur Créateur. De ce fait, cette confirmation les appelle à adorer Allah l'unique sans rien ni personne lui associer. De ce fait, s'ils viennent à commettre le shirk, il ne faut pas qu'ils cherchent des excuses comme quoi ils ne connaissaient pas la vérité et qu'ils suivaient aveuglément des égarés. Car il existe deux causes d'égarement, le désintérêt de la vérité ou le suivi aveugle des égarés. Le Très-Haut a fait en sorte que les gens reconnaissent avec leur fitra Allah comme étant leur Seigneur. Ceci est une preuve contre eux-mêmes le jour du jugement dernier. De ce fait, écoutez bien qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il conclut, de ce fait, il n'y a pas d'excuse pour celui qui renie Allah ou lui donne un associé. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a dit, en ce qui concerne les paroles du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tout enfant naît sur la fitra islamique et ce sont ses parents qui en font un juif, un chrétien ou mazdéen. Ceci est la disposition naturelle, c'est-à-dire la fitra sur laquelle Allah les a créés le jour quand il a dit « Ne suis-je pas votre Seigneur ?» Le jour quand il a dit « Ne suis-je pas votre Seigneur ?» Et plus loin, Ibn Taymiyyah rahimahullah cite un autre hadith rapporté par l'imam muslim dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah a créé les serviteurs sur la foi innée, mais les diables sont venus à eux et les ont détournés de leur religion. Ils leur ont interdit ce qu'Allah leur a autorisé et il leur a ordonné de ne pas lui associer ce dont il n'a révélé de preuve. » Et il leur a ordonné de ne pas lui associer ce dont il n'a révélé de preuve. Écoutez maintenant les versets suivants. Allah il a dit, et ils dirent, Seigneur, nous avons obéi à nos chefs et à nos grands, c'est donc eux qui nous ont égarés du sentier. Ô notre Seigneur, inflige-leur deux fois le châtiment et maudis-les d'une grande malédiction. Dans un autre verset, Allah il a dit, et vous allez voir où on va en arriver, et d'ailleurs les versets d'eux-mêmes, ils sont très clairs. Allah il a dit, et ceux qui avaient mécru dirent, jamais nous ne croirons à ce Coran ni à ce qui l'a précédé. Et si tu pouvais voir les injustes seront debout devant leur Seigneur, se renvoyant la parole les uns aux autres. Ceux que l'on considérait comme faibles diront à ceux qui s'enorgueillissaient, sans vous, nous aurions certes été croyants. Allah il a dit, et les mécréants diront, Seigneur, fais-nous voir ceux des djinns et des humains qui nous ont égarés, afin que nous les placions tous sous nos pieds, pour qu'ils soient parmi les plus bas. Donc, on voit dans ces trois versets ce qu'Allah il a dit concernant les suiveurs. Et il n'existe pas un seul verset ou un seul hadith de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que ceux qui ont été égarés par les soi-disant savants, eh bien qu'ils vont être excusés. D'accord ? Il n'y a pas une seule preuve qui dit que celui qui a été égaré, c'est-à-dire les suiveurs, ils vont être excusés. Allah a dit, nous avons destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'enfer. Ils ont des cœurs mais ne comprennent pas. Ils ont des yeux mais ne voient pas. Ils ont des oreilles mais n'entendent pas. Ceux-là sont comme les bestiaux, même plus égarés encore. Tels sont les insouciants. Donc, tout ce temps-là, nous avons établi à travers le Coran, la Sunna, l'unanimité des savants, ainsi que des paroles de savants qui ne vont pas à l'encontre de ce qui a été établi de manière claire dans le Coran, la Sunna et l'unanimité, que l'ignorance n'est pas une excuse dans l'annulation du tawhid. Par contre, l'ignorance peut être une excuse dans d'autres sujets qui ne concernent pas le tawhid. Et ça c'est très important, parce qu'il ne faut pas généraliser. Ce qu'a dit notamment Abdulaziz ibn Muhammad ibn Ali al-Abdelatif dans son livre Nawaqidul Iman wal-Amaliya, page 69, il a dit, sur la base de ce qui précède, nous concluons que l'avis de ceux qui généralisent quand ils disent que l'ignorance est une excuse dans des choses qui touchent au fondement de l'islam est faux. Tout comme il est faux de généraliser que l'ignorance n'est pas une excuse. Et il continue en disant, au contraire, il est obligatoire de faire la distinction entre les choses qui s'opposent au fondement de l'islam et les choses connues de la masse des gens, et les choses qui s'opposent aux questions ou sujets qui ont besoin d'être expliqués. D'accord ? Cheikh Ishaq ibn Abdurrahman, rahimahullah, et on trouve cette parole dans At-Takfir al-Muayyin, Aqidatul Muwahidin, page 169-170. Il dit, Il m'est parvenu qu'un groupe prétendant être savant et religieux, qui suit soi-disant l'enseignement de Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, a dit que celui qui donne un associé à Allah et adore les idoles ne devient pas automatiquement mécréant ou idolâtre. Donc le cheikh il nous informe qu'il y a des gens qui prétendent suivre Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, qui prétendent suivre ses enseignements et qui disent que celui qui commet le shirk, il n'est pas automatiquement un polythéiste. Il continue, il dit: ceux qui m'ont rapporté cela ont entendu que certains frères avaient traité de mécréant et d'idolâtre un homme qui implorait l'aide du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'un homme leur a dit: ne le traitez pas de mécréant sans lui avoir expliqué. Or, lui et ceux de son genre n'éprouvent aucune gêne à se mélanger aux polythéistes lors de leur voyage et dans leur demeure, et vont même étudier chez le plus grand mécréant des savants polythéistes. Ils ont dupé certains imbéciles, c'est les paroles du cheikh, il dit, ils ont dupé certains imbéciles de leurs adeptes qui ne connaissent rien. Et la cause de ceci, et Allah sait le mieux, c'est qu'ils ont délaissé les livres fondamentaux, ainsi que leur manque d'intérêt pour ces livres et leur manque de peur de l'égarement. Ils se sont passés des livres du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, alors que s'y trouve tout ce qu'il faut comme réponse à ces ambiguïtés. Et aujourd'hui, nous avons affaire aussi à des gens qui disent: nous suivons l'enseignement de Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, et celui qui commet le shirk, il a une excuse. Et cette parole, elle leur est applicable à eux aussi. Et c'est comme si le cheikh, rahimahullah, il était en train de répondre à certaines personnes de notre époque. Écoutez maintenant cette parole de Abdul Latif ibn Abdurrahman, rahimahullah, dans Minhaj At-Tassis, page 214 à 215. Il a dit: Dawud ibn Jirjis al-Iraqi, Dawud ibn Jirjis al-Iraqi, a de nombreuses fois répété son ambiguïté concernant le fait de ne pas juger mécréant le fautif, ainsi que de ne pas lui faire porter de péché. Et nous avons déjà suffisamment répondu à cette ambiguïté. Il continue en disant: mais ceci ne fonctionne que sur la populace qui ne comprend pas ce qu'est réellement l'islam. Et nous avons déjà expliqué que si nous appliquions le principe d'Al-Iraqi, cela mènerait à ne pas juger mécréant pour quoi que ce soit des fondements de la religion, comme, écoutez, croire en l'existence d'Allah, en sa seigneurie, sa divinité, sa puissance, son décret, ainsi que de croire aux parfaites descriptions de son être et de ses actes, ainsi que sa connaissance de tous les événements qui existent dans l'univers, ainsi que sa connaissance de tous les événements qui existent dans l'univers, et empêcher de juger mécréant dans quoi que ce soit de ces choses, est un rejet de la mécréance des athées et de ceux qui renient le Seigneur, ainsi que de ceux qui renient les noms et les attributs, et ceux qui invalident son unicité dans le droit d'être adoré. Ainsi que ceux qui disent qu'il ne connaît pas les événements, c'est-à-dire qu'Allah ne connaît pas les événements tant qu'ils ne se sont pas produits, comme le professent les Qadariyas extrémistes, ou ceux qui attribuent les événements aux astres, ou ceux qui prétendent qu'il y a deux origines à l'univers, la lumière et les ténèbres. Le cheikh il continue en disant: si Al-Iraqi adhère à cela, alors il est encore plus mécréant que les juifs et les chrétiens. Et s'il prétend qu'il existe une moindre différence entre toutes ces choses et l'objet de divergence entre nous, qui est la question d'invoquer les morts et les absents dans des choses que seul le Seigneur des mondes peut exaucer, qu'il nous trouve cette différence. Puis qu'il nous trouve la moindre preuve de son exactitude. Et s'il ne le fait pas, et il ne pourra jamais le faire, tout son principe sera détruit. Et alors, les gens de science et de foi sauront qu'il ne s'agissait que de ruses et qu'il ne fait pas partie des gens de science et de religion, et qu'il ne fait pas partie des gens de science et de religion, ni de ceux qui connaissent l'islam et les musulmans, ni de ceux qui peuvent faire la différence entre les monothéistes et les polythéistes, mais qu'il est au contraire dans les ténèbres de l'ignorance et du polythéisme évident. » Fin de la parole d'Abdul Latif ibn Abdurrahman, qui parle de Dawud ibn Jirjis, un homme qui s'affilia à l'islam et qui disait qu'il est un Hanbali et qui se promenait avec des livres d'Ibn Taymiyyah et d'Ibn al-Qayyim et qui disait que l'ignorance est une excuse dans le shirk akbar. Et regardez, qu'est-ce qu'il a dit ce savant de Najd à propos de lui. Et maintenant, on va terminer avec une parole de Sulayman ibn Sahman que vous trouvez dans Fatawa Najdiya. Et ça parle justement de l'ijtihad. Il dit, celui qui croit en Allah et son messager intérieurement et extérieurement, mais fait un effort d'ijtihad et cherche la vérité, puis se trompe, ignore ou interprète mal, Allah lui pardonnera cette erreur, qui qu'il soit, que cela soit dans les thèmes théoriques ou pratiques. D'accord? Donc, il nous informe que le savant qui fait une erreur d'ijtihad, eh bien, Allah lui pardonnera. Et il continue en disant, mais lorsque certaines personnes ont entendu la parole du Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, dans certaines de ses réponses où il parla de l'absence du tekfir de l'ignorant, du mujtahid, de celui qui se trompe ou de celui qui interprète mal, ils ont cru que ceci est valable pour toute erreur, toute ignorance, tout ijtihad et toute mauvaise interprétation. Ils en ont fait une règle sans donner aucun détail. Donc là, le cheikh, il nous informe qu'il y a des gens, ils ont vu les paroles d'Ibn Taymiyyah rahimahullah, où il donne l'excuse de l'ignorance, de la mauvaise interprétation de l'ijtihad dans certains sujets, et ces gens-là, avec la parole d'Ibn Taymiyyah rahimahullah, ils en ont fait une généralité. Et ils ont dit, cela concerne tous les sujets. Et c'est ça que nous dit Sulayman ibn Sahman rahimahullah. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, et ceci est une erreur pure, car ce n'est pas tout ijtihad, toute ignorance, toute erreur ou toute mauvaise interprétation qui sera pardonnée à son auteur et l'empêchera de devenir un mécréant. Ceci est une erreur pure, car ce n'est pas tout ijtihad, toute ignorance, toute erreur ou toute mauvaise interprétation qui sera pardonnée à son auteur et l'empêchera de devenir un mécréant. En effet, ce qui est nécessairement connu dans la religion islamique, comme la foi en Allah, la foi en son messager et ce qu'il a enseigné, il n'y a aucune excuse par ignorance dans cela. Allah nous a informés de l'ignorance de beaucoup de mécréants, tout en déclarant clairement leur mécréance. Ainsi, il décrit les chrétiens d'ignorants, alors qu'aucun musulman ne doute de leur mécréance. Et nous sommes absolument convaincus que la majorité des juifs et des chrétiens aujourd'hui sont des ignorants, et se conforment aveuglément à leurs rabbins, mais nous sommes convaincus de leur mécréance, ainsi que de la mécréance de quiconque doute de leur mécréance. Il continue, il dit, lorsqu'un individu donné commet ce qui exige sa mécréance dans des sujets nécessairement connus, écoutez qu'est-ce qu'il dit, il dit, comme par exemple l'adoration d'un autre qu'Allah, la négation de ses noms et attributs de perfection, la négation de la majesté de son être et de ses actes, ainsi que la question de sa connaissance des événements et des créatures avant qu'elles n'existent. Si on devait interdire de juger mécréant celui qui commet cela par erreur ou par ignorance, tout cela réfuterait celui qui juge mécréant ceux qui renient l'être d'Allah, sa seigneurie, ses noms et ses attributs, son unicité dans la divinité. Ainsi que ceux qui disent qu'Allah ne sait pas ce qui se passe dans l'univers avant que cela ne se produise, comme les Qadaria extrémistes, ou ceux qui prétendent que les événements sont causés par les astres, ou que l'origine de la création est la lumière et les ténèbres. Celui qui adhère à tout cela est encore plus mécréant et plus égaré que les juifs et les chrétiens. Il dit, est-ce que ceux qui disent qu'Allah est dissous dans sa création n'en sont-ils pas arrivés à une telle mécréance aussi avérée, une idolâtrie aussi énorme, et à l'abolissement de la réelle existence du Seigneur des mondes uniquement par leur erreur d'ijtihad dans ce sujet? Cette erreur d'ijtihad les égara, après quoi ils se sont mis à égarer les autres. N'a-t-on pas exécuté Al-Halaj à l'unanimité des juristes uniquement pour l'égarement de son ijtihad? Et les Qaramites, toutes les atrocités et les apostasies de la loi islamique qu'ils ont commis, n'était-ce pas à cause de leur ijtihad comme ils le prétendent? Et encore, est-ce que les Rawafides ont dit ce qu'ils ont dit et admis ce qu'ils ont admis comme mécréance, polythéisme et adoration des 12 imams, ainsi que les insultes des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et de la mère des croyants, Aïcha radiallahu anha, si ce n'est par ijtihad? Fin de la parole de Sulayman ibn Sahman. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.